belle, ni Vigira. Séraphine Kidimana sur la mise en onde. Merci de garder l'écoute de nos programmes. Et votre station préférée, c'est la radio Isangani. Voici le journal à la langue française, dont voici tout d'abord les principales articulations. Manifestation ce samedi à mairie de Bujumbura. Comme dans tout le pays, les manifestations portées contre les assassins du président Melchior Ndadaye, dont les mandats internationaux ont été envoyés par le Burundi, mais aussi contre les propos de Moussa Faki, président de la commission de l'Union africaine sur ce dossier. Vous aurez les détails avec Vestine Boutoui, notre reporter qui a suivi ces manifestations. Après la condamnation du major Primandu Imana, officier de police qui a tué sa femme et l'organisation NLCT, où est ton frère? Salut le jugement rendu. Vous entendrez Prime Mbaroubouke, représentant légal de cette organisation, qui demande que le jugement soit exécuté à la lettre. Le syndicat STUB dénonce ce qu'il appelle l'expoliation des arriérés par leur collègue du syndicat SPATUB. Des accusations que ce dernier rejette. Vous entendrez le secrétaire exécutif du STUB et le président du SPATUB. Et vous aurez droit, comme à l'accoutumée, tous les samedis à la chronique Arts et Culture. Et aujourd'hui, l'on va vous parler des instruments musicaux. Voilà pour les grands titres. Mais à la fin de cette édition, vous aurez droit à la revue de la presse. Marie-Claire Cadeneda et Léonce Vitaliho vont me rejoindre au studio pour la revue de la presse. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonsoir. Je vous le disais en titre, certains des habitants de la mairie de Bujumbura sont pour la décision du gouvernement burundais portant sur les mandats d'arrêt internationaux contre ceux qui ont participé dans l'assassinat du héros de la démocratie, le président Melchior Ndadaye, lors des manifestations de ce samedi. Ces habitants rejettent en bloc les propos de Moussa Faki Mohamat, président de la commission de l'Union africaine. Ils demandent au gouvernement de ne jamais relâcher avant que leur objectif ne soit atteint. Les détails avec Bettine Boutouille. Les manifestations protestant contre les propos du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, commencent. Nous sommes au rond-point des Nations Unies, près du bureau national du parti CNDD-FDD, dans la zone Ngagara. Devant se trouve le drapeau national. Ensuite, une banderole sur laquelle s'écrivent les mots suivants. Nous, Burundais, nous encourageons le gouvernement sur les décisions déjà prises, portant ouverture des dossiers dans la justice pour ceux qui ont participé dans l'assassinat du héros de la démocratie et certains membres de son gouvernement et rejetons en bloc tous les propos communiqués par Moussa Faki sans en avoir droit. Après une courte prière, on entonne l'hymne national et celui de la communauté de l'Est africaine. Dans leur discours, ils reviennent sur les propos de Moussa Faki et demandent aux organisations internationales d'envoyer ceux qui ont participé dans l'assassinat du héros de la démocratie afin que la justice se soit rendue. Nous invitons l'ONU et l'OIA à mobiliser les pays membres de ces organisations qui hébergent ces criminels, de les attraper et de les envoyer devant la justice burundaise pour qu'ils soient jugés pour avoir assassiné le héros de la démocratie, Melchior Ndadaye et son gouvernement. Dans son allocution, le représentant du gouvernement, l'assistant du ministre de l'Intérieur, revient lui aussi sur le communiqué de Moussa Faki. Moussa Faki a encore dit que les décisions prises par la justice burundaise de suivre les dossiers des présumés auteurs de l'assassinat du héros de la démocratie et certains membres de son gouvernement sont parmi les tâches de la commission Vérité et Réconciliation, alors que c'est faux, ce ne sont que des pires mensonges. Certains députés de la communauté est-africaine étaient présents dans cette manifestation. Merci, Vincent Autoy, pour ton reportage. Et l'organisation NLCT, où est ton frère? Salue le jugement rendu ce vendredi à l'endroit du prime Nduimana, un haut gradé de la police qui a récemment tué sa femme. Dans un communiqué de presse sorti ce samedi, Maître Prime Mbaroubouke, représentant légal de cette organisation,

en 2011 qu'on a donné la première partie concernant la sentence arbitraire. Mais la sentence arbitraire a été bien calculée pour les personnels enseignants. Pour les autres, la sentence était mal calculée. Au lieu de calculer dans notre syndicat, se trouverait au cabinet du ministère des Finances deux informations qui nous parviennent, c'est que le ministre aurait signé pour le seul syndicat alors qu'il y a une autre demande concernant plus de 600 personnes qui est en attente. L'urgence que le ministre de l'enseignement supérieur et le ministre des Finances et la direction de l'université puissent comprendre les doléances du STUB et acheminer la liste du STUB. Cependant, le syndicat SPATUB rejette les accusations de STUB qu'il qualifie plutôt de grossières. Selon Anselme Ratungimigao, président du syndicat SPATUB, les membres du syndicat STUB ne font pas partie de ceux qui devraient bénéficier de la récente enveloppe d'arriérés. Ils appellent à suivre la voie judiciaire. Encore une fois, suivez plutôt Anselme Ratungimigao, il est président du syndicat SPATUB. Cette enveloppe n'a pas été donnée en 2010 à certains travailleurs. Ces travailleurs ont emprunté la voie judiciaire. Maintenant, la voie judiciaire a tranché. Cet ancien président du STUB n'a pas voulu nous suivre. Et maintenant que les juridictions ont fait leur travail et que maintenant ils sont à la période d'exécution, je pense que le même président devrait prendre ses hommes et emprunter d'abord la voie administrative, ensuite, si ça n'aboutit pas, la voie judiciaire. Sinon, vous savez que quelqu'un est régularisé par une juridiction s'il est nommément identifié. Et si l'un ou l'autre dont il se réclame responsable n'est pas enregistré ni au tribunal du travail, ni à la cour d'appel, ni à la cour suprême, je pense qu'ils ne sont pas concernés par cette deuxième enveloppe. Mais il dit que le tribunal du travail a exigé la régularisation de tous les ayants droit. Ce n'est pas correct puisque le tribunal du travail passe par des jugements. Le jugement qui vient d'être rendu, ces messieurs et dames ne figurent pas dedans. S'ils ne figurent pas dedans, ils ne peuvent pas avoir une part dans cette enveloppe dont nous venons d'acquérir par les tribunaux d'abord et ensuite par le ministère des Finances. Et en page santé en province Caroussi, les jeunes garçons et les hommes de moins de 30 ans ne participent pas nombreux à la vaccination pour lutter contre la méningite au quatrième jour de cette vaccination. Ils viennent à compte-gouttes, comme s'inquiète le médecin provincial de Caroussi et l'équipe de supervision. Il confirme qu'il y a aussi une rupture de cartes de vaccination et propose des photocopies à la place des originaux. Le médecin dit que, du reste, la campagne va bon train et appelle la population concernée de répondre massivement et ne pas attendre le dernier jour. Blaise Pascal Caroumier, correspondance. Au quatrième jour de la vaccination contre la méningite, l'affluence de la population cible est satisfaisante dans la province de Caroussi, comme l'indique le médecin provincial. Il signale qu'il enregistre déjà 53,7% de la population concernée, estimée à 72% de la population de toute la province de Caroussi. Cependant, les jeunes garçons et les hommes concernés de la campagne viennent goutte à goutte par rapport aux filles et femmes. Sur ce, certains responsables collinaires et certains superviseurs de cette activité font indiquer que ces jeunes sont partis dans d'autres provinces et même en Tanzanie en quête du travail. Pour la rupture du stock des cartes de vaccination au niveau du district sanitaire de Nyavikere, Dr Leonidas Nzisabira affirme qu'une partie du stock de ces cartes du district sanitaire de Buhiga vient d'être transférée à Nyavikere. Pour le risque de rupture de ces cartes au niveau provincial, pour ces cartes de vaccination, le médecin provincial confirme que le nombre de ces cartes reste insuffisant par rapport à la population cible. Il indique que les personnes vaccinées auront des photocopies à la place de l'original et que ces photocopies seront retirées après même la vaccination une fois que ces cartes seront disponibles. Il demande à la population de répondre massivement actuellement et sans attendre le dernier jeudi 13 décembre en affirmant que les médicaments sont au nombre suffisant. Depuis Caroussi, Blaise Pascal Caroumier pour la radio Isanganiro. Merci Blaise Pascal Caroumier. Quittons Caroussi pour revenir à Bujumbura et parlons société. Le travail de fabrication des briques fait vivre les femmes de la colline Nyarumanga, de la zone Buterere en commune Ntahangwa, de la mairie de Bujumbura. Certaines de ces femmes affirment que ce travail contribue à la nourriture de leurs enfants et affirme qu'elles sont capables de le faire aussi bien que les hommes, témoignent ces dernières. Gertrude Mawenayo.